couleur de l'automne. Jette sur les amants le manteau de l'oubli. Quand les amours se meurent, tout est blafard et gris. Les jours ont la pâleur de la mélancolie. Ne crois pas que la vie te rendra tes amours. Tout s'en va, tout s'enfuit, les serments l'est toujours. Les amours se meurent, le printemps meurt aussi. Quand les amours se meurent,